le temps de parler de la chronique du club de golf de Chibougamo avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Ah, Michel, avant de commencer pour parler de ta chronique, hier j'ai fait une entrevue avec un golfeur dans le coin de Drummondville. Chaque golfeur a au moins un fantasme dans sa vie, c'est de réussir un trou d'un coup. Mais lui, il a réussi deux trous d'un coup dans la même ronde. Spécial, hein? C'est très, très, très spécial. Ouais. Pour te donner une idée, chez nous, ouais, là, c'est sûr qu'on n'est pas un terrain qui a 40 000 parties par non. année, là, mais on a une douzaine de mille parties par saison. Ouais. L'année passée, on a eu trois dans la C'est un peu pas moyen. L'année d'avant, il n'a pas eu. L'autre année d'avant, il avait eu aussi trois. Fait que, quand tu regardes ça, sur trois ans, sur 40 000 parties, à peu près 5 à 6 trous d'un coup. Puis le monsieur, deux dans le même rond. Hey, il est dans le même rond. Pas dans le même. Oui, dans le même rond. Il croyait pas. Mais c'est à peu près ça ici à Dolbeau, Mississini. Je pense que c'est de 1 à 3 à peu près. Aussi, ça joue pas mal là-dedans. Et c'est sensiblement pareil. À Saint-Prime, c'est la même affaire. Donc, chaque club de golf, ben, c'est sûr qu'on puis là, c'était quand même pas un gros club de golf. C'est un coin de Drummondville, mais c'est pas ça semble pas être un gros club. Mais chaque golfeur ou chaque terrain de golf, normalement, de petits terrains comme les nôtres, ben, c'est de 1 à 3, c'est ça, à peu près? C'est oui. À peu près ça. Mais deux dans la même ronde, c'est assez spécial. En tout cas, c'est Claude Fraser dans le coin de Drummondville. Donc, les gens, si ça vous intéresse, allez l'écouter l'entrevue. C'est assez spécial, merci. Le monsieur, il a réussi l'exploit le samedi passé, puis il en est pas revenu encore. Regarde, tu sais. Je comprends parfaitement. Bon, on va parler de Pierre-Alexandre Bédard. Encore une fois, j'ai parlé avec lui hier. Très, très... Écoute, Il y a des gens qui ne connaissaient pas. Rémi Bouchard, qui est mon spécialiste de la PGA, il travaille pour Golf Canada à Montréal. Puis quand j'y nommais Pierre-Alexandre Bédard, il ne connaissait pas. Mais je pense que là, sa performance en fin de semaine va faire en sorte qu'il va être connu davantage. Là. Quelle performance! Ben oui, parce que là, tous les pros du Québec qui étaient là, en fin de semaine dernière, puis il a quand même terminé 11e. Ouais. Le meilleur amateur qui était présent. Écoute, c'est phénoménal. Il n'y a pas d'autre qualificatif que ça. Puis les gens qui l'ont vu jouer sont tous en mesure de te confirmer qu'il a joué du golf extraordinaire, sauf que son putter n'a pas voulu répondre. Ouais. Même pour te donner une idée, lors de la dernière ronde, il a pris à la faune, qui est un terrain qui est très difficile, il a pris 10 sévères en régulation. Mmh. Faut le faire, là, d'aller, ouais. Là. Ça prend tout qu'un joueur de golf. Puis c'était quand même... c'était pas un parcours facile, non plus, là. J'ai parlé à Kevin, j'ai fait une entrevue avec Kevin Fortin-Simard aussi, puis il me disait que le vent était joint aussi, qu'on pouvait être capricieux, ces journées-là, là. Ah oui, donc, c'est vraiment une très, très belle performance. Ouais, effectivement. Une belle saison pour lui. Puis en fait, semaine prochaine... C'est le championnat amateur du Québec. Mmh. Puis ça devrait confirmer là, troisième. Qu'il va faire partie des trois représentants du Québec pour aller défendre au championnat canadien à Toronto au mois d'août. Ce serait sa troisième participation de fil, je peux m'amuser. Hein? OK. Oui. Donc, troisième participation pour ce golfeur bourré de talent de Chibougamo qu'on n'a pas fini d'entendre parler. C'est la Coupe des troisième phase en fait, semaine de la Coupe des champions. Si Dame Nature le permet, mais je pense que oui. La dernière qualification. Ouais. Donc, la dernière chance là, de pouvoir se classer pour la finale qui va avoir lieu samedi prochain, le 1er août. Oui, OK. Et jusqu'à maintenant, ça va bien de ce côté-là? Ça va bien tout. Une trentaine de participants dans trois classes. Mmh. Donc, deux à trois classes. Donc, c'est les mêmes. Là, c'est les gens qui aiment la compétition. Puis qui veulent se frotter au meilleur du club dans chacune des catégories. Ouais. C'est bien apprécié. Puis il pleut. Fait que ça veut pas, c'est le temps des vacances actuellement. On ne peut pas dire qu'on a une belle semaine, donc ça doit nuire à l'achalandage chez vous aussi. Là. C'est tranquille, très, très, très tranquille. Ça fait trois jours qu'on n'est pas fermé, mais à peu près fermé. Ouais. Beaucoup, beaucoup de ruines toute la journée, les températures avoisinant 10 degrés, donc c'est loin d'être les conditions idéales pour les vacances, puis amener le monde intéressant. Ben, on parlait d'une baisse d'achalandage ici dans les motels. C'est sûr que c'est pas touristique à Chipougamo tellement, là, mais quand même 12% ici au lac Saint-Jean de baisse d'achalandage. Donc, ça nuit partout, hein? Oui, chez nous, on parle de sensiblement même chose que l'année dernière. Ouais. Donc, approximativement 20 à 25 de baisse par rapport aux saisons 2012 et 2013. Ouais, c'est quand même une bonne baisse. Ben ça fait le tour pas mal cette semaine, Michel. C'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à se parler, mais on va se reparler la semaine prochaine, jeudi prochain. C'est la chronique du club de golf de Chipougamau avec Michel Lalonde.